Un soir d'été, sans dire un mot, sans t'embrasser, sans un regard sur le passé. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort.